Exercice 10, page 141. A. Il faut que tu travailles. Transformer. Tu dois travailler. B. Il faut que tu termines. Transformer. Tu dois terminer. C. Il faut que tu traverses. Transformer. Tu dois traverser. D. Il faut que tu déjeunes. Transformer. Tu dois déjeuner. E. Il faut que tu devines. Transformer. Tu dois deviner. F. Il faut que tu décides. Transformer. Tu dois décider.